Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. La première chronique de Stéphanie Gagné, ton plat favori. Et vidons la dans la question, voyage dans le bottin local de Saint-Jovite et ses environs de Caen de 1980. Ça et encore plus à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut Mathieu. Salut Kiwan, on est en direct des studios de CFOU à Trois-Rivières. Dois-je le rappeler? Non. Non, c'est pas nécessaire. D'accord, mais bienvenue dans nos studios à nous et aux autres animateurs de CFOU parce qu'il n'y en a qu'un seul studio finalement. Oui, effectivement. Quand vous entendez le studio 1 de CFOU, c'est bien celui-ci. Toujours le même studio 1. Mais il est très beau. Très, très beau. Un peu comme toi aujourd'hui. Pourquoi tu parles du studio? C'est parce que tu voulais me parler de ma beauté exceptionnelle. Ben, je vais parler des loups que tu as sur ton chandail. Waouh! Ouais, j'ai un beau chandail de loup. Hein. Ben, c'est écœurant, ça. Trois loups? J'avais pas vu le troisième loup. Moi, j'étais impressionné avec deux et là, imagine avec trois. Trois loups? Oui. Ils hurlent à la lune. Une lune en plus. En plus. Hey, qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui à l'émission à part que des loups sur mon chandail? Ah oui! Alors, on va recevoir Stéphanie Gagné, notre nouvelle chroniqueuse, qui va nous offrir ses coups de cœur artistiques. Sa chronique s'appelle « Ton plat favori ». Ça va être tellement délicieux, on va guicher le fond de l'assiette. Oui, si ça vous dit quelque chose, Stéphanie Gagné, c'est normal. C'est parce que vous la connaissez probablement pour son émission « La Pebèche en mission » qui est diffusée tous les jeudis soirs à 17h ici. Juste après nous, finalement. Exact. Donc, vous allez l'avoir avec un petit peu de bonus. Un petit peu de... C'est comme un spécial. C'est comme un extra pain bêche qu'on va avoir aujourd'hui. Dis-moi pas qu'on va avoir une tranche de pain bêche de plus. Une tranche. J'ai pas fait 14 fois, j'ai pas fait une fois celle-là. Tu l'adores celle-là. On va aussi avoir une émission spéciale de Vidon à la question, en fait, parce que, vous savez, ils ont déjà fait un voyage dans le temps, un voyage dans le bottin local de Saint-Jovite et de ses environs de 1980. C'était incroyable, ça, dans le temps. On va vous rejouer ça, c'est un bon vieux classique, première de deux, aujourd'hui. Ouais, tu dis toujours, en fait, de toutes les capsules de Vidon à la question, qu'elles sont des classiques, mais moi, qui ai un petit peu plus de distance que toi, rapport à ça, qui n'est pas un fan fini, faut vraiment avouer là, honnêtement que celui-là là, c'est vraiment le classique des classiques. Bon, vidons la question, c'est le vrai classique que vous devez absolument entendre. C'est tout des classiques, bon. Ouais, c'est ça, mais lui là particulièrement, c'est le numéro si on veut un. En cerner un là, ouais. Bon. Ben merci Kwan de le dire, bon, c'est vrai. On va aussi avoir une chronique CNX, une chronique technologique. Oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu de nouvelles geeks dans le film. Oui. Oui. Voilà, ça et encore plein d'autres trucs, dont entre autres de l'excellente musique. Et on va commencer ça tout de suite avec un nouvel extrait du palmarès anglo, c'est bien ça? Oui, c'est Hot Little Rocket, leur pièce Volcano. On écoute ça tout de suite à Assemblage requis. Tough body. and trying. All the good times lie ahead. Oh, oh. Last thing I remember, things were getting better. Last thing I remember, things were getting better. Last thing I remember, things were getting better. Pete Yorn et Scott Johnson avec la pièce Shampoo. C'est un palmarès anglophone de C'est fou. Oui, tout à fait. Juste avant ça, on avait entendu un extrait du nouvel album de OK Go, la pièce This Too Shall Pass. Exactement. C'est le vidéoclip. Oui, ça, c'est le nouvel extrait officiel, je crois, de cet album de OK Go. Vous savez, depuis déjà quelques semaines, quelques jours, ouais, quelques semaines, je dirais, on vous parle de la troisième édition de la série de spectacles Feu de forêt dans le désert qui va avoir lieu ce vendredi, donc demain, le 15 janvier. C'est à la galerie L'Aparte, ici à Trois-Rivières. Et un des groupes qui va être en prestation pour la troisième édition de Feu de forêt dans les airs, c'est le groupe Vidéoville. Et c'est un groupe aussi qu'on a commencé à jouer depuis quelques semaines ici. Ouais. Et qui soulève pas mal d'intérêt. Plusieurs personnes qui ont entendu ça et puis qui se demandent un peu ce que c'est et d'où ça vient, ce groupe-là, Vidéoville. Et on a Chen du groupe Vidéoville qui est en ligne présentement. Bonjour Chen. Salut. Ça va bien? Ben oui, vraiment. Nous, au moins. T'as l'air presque sceptique. C'est toujours surprenant. Ah oui? Ah ouais. OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu du groupe Vidéoville? D'où vous venez exactement? D'où ça vient, ce projet-là, Vidéoville? On a commencé ça il y a peut-être... j'ai commencé ça avec un de mes amis il y a peut-être 3 ans. On a dit... On va s'appeler Vidéoville parce que c'est une compagnie de distribution de VHS de films de série B. Qui est de Montréal. Fait qu'on a une espèce d'hommage à cette compagnie-là. On a volé leur nom. Puis après, on a comme trouvé un drummer. Puis on a comme commencé à faire des tunes tranquillement. Puis c'est ça. OK, à part le nom finalement qui est emprunté à cette compagnie de distribution, comme tu dis, il semble avoir un intérêt justement pour les films, le cinéma de série B avec Vidéoville. Si on va sur votre MySpace, il y a une espèce de synopsis de film qui raconte un peu fictivement l'histoire du groupe. Là. Ouais. C'est quoi le lien, disons, entre Vidéoville et le cinéma, sinon que pour le choix du nom? Je pense que c'était tout un peu des fans de cinéma de série B, série Z même je dirais qu'on est des maniaques. Ça, c'est sûr que ça influence un peu notre façon de voir les choses ou notre son, si on veut, comme inconsciemment. Parce que je peux pas dire qu'on fait de la musique de films de série B. C'est vraiment comme c'est une de nos passions avec la musique. Fait qu'on a comme marié les deux. Puis vu qu'on n'a pas de parole, en show, on projette des images de ces films-là. Ça rajoute un peu au concept, si on veut, du groupe. OK, justement, le fait de ne pas avoir de chanteur, parce qu'il faut dire aussi pour ceux qui savent pas, l'album est entièrement musical, il n'y a pas de chanteur à proprement dit. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait justement par rapport à la projection vidéo ou pourquoi, en fait, il n'y a pas de chanteur? Au début, on voulait quelqu'un, puis on a eu une offre de faire un premier show, puis on a dit, on va le faire même si on n'a personne pour chanter, puis on a aimé ça. Fait qu'on a comme, avec le temps en plus, la façon de composer a amené qu'on compose sans avoir besoin de paroles, sans que ça soit redondant, puis fait que l'idée d'avoir quelqu'un qui chante, à un moment donné, on l'a comme oublié. Puis, je pense qu'on est mieux à trois comme ça. Pas dire qu'on s'est essayé à chanter par exemple, mais c'était pas vraiment un bon résultat, fait qu'on a laissé tomber. OK. Et puis le fait que ce soit donc la musique instrumentale, est-ce que ça pourrait éventuellement, étant donné justement que vous êtes fan de cinéma, vous donner le goût de faire de la musique de film vraiment là, pour des films? Ah ben ça, c'est sûr que c'est toujours ce serait intéressant. Je sais pas de quel film qu'on pourrait faire parce que ce serait un petit peu intense, mais si l'offre est là, pourquoi pas? OK. Et puis, finalement, en spectacle, pour ceux qui auront le goût d'aller vous voir vendredi, à quoi on peut s'attendre? Tu me disais déjà qu'il y avait des projections vidéo. Ouais. Mais sinon, à quoi ça ressemble, un spectacle de Vidéoville? Ça ressemble à bien de la sueur puis bien du garageage. OK. Ouais, c'est ça. C'est comme un film d'action qui explose devant tout. Parfait. Donc, c'est une bonne description, ça. Mais je te remercie beaucoup, Chen. En terminant, nous, on va aller écouter une pièce de l'album. Est-ce que tu veux choisir la pièce qu'on pourrait aller écouter? 18 hommes de bronze, pourquoi pas. 18 hommes de bronze, parfait. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Et puis, ben, je vous rappelle que le spectacle, c'est vendredi, demain, le 15 janvier. C'est à la Galerie Lapart, donc Vidéoville en prestation à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Chen. Ben, merci. Donc, nous, on écoute la pièce 18 hommes de bronze à Assemblage Requis. heads up. All I do is wait here. Not much left to do. It's my damn fault if I crash and burn. I hope things are better soon. Toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et on vient d'entendre une pièce qui se retrouve sur le palmarès anglophone, qui c'est du groupe The Job. La pièce s'appelle Soon. Et dans quelques minutes, on va entendre la première partie de la capsule Vidons la don la question pour cette semaine. Mais pour l'instant, on va aller écouter une pièce du groupe Bateau Noir. La pièce s'appelle Mort avant l'heure. Mathieu. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je suis en train de goûter du sucre à la crème. On va manger du sucre à la crème, toi et moi, mais en cachette, peut-être. Ah, pas se poser. Faut pas le dire, pour vrai? Non, non, mais tu peux le dire. Okay, prends-en, okay. Vire-toi. Attention, garde-moi ça. Wow, merci beaucoup. C'est du service, merci. Ah, oh, il y a droit à deux en plus. Hey, c'est pas des blagues. T'es jaloux? Ça. Ben non, mais j'en ai deux moi aussi. Ah, ok. Non, je suis pas jaloux. Même que je suis juste vraiment content de voir ça, moi. Il va être bon, je suis sûr. Je veux pas le manger en ondes parce que là, ça serait bizarre à la radio. À moins que, attention à toi. Oh. Mm. Mais il est délicieux, par exemple. Merci beaucoup. Bonne journée. Ah, oh, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Kiwan? Rien. Rien? Non, absolument rien. Parce qu'on étire le temps pas mal. Ouais, ok. C'était bon pour 30 secondes de faire. Ben non, mais là, c'est parce que là, tu me déconcentres avec ton mangeage de sucre à la crème. Est-ce que tu veux que je monologue? Bon pour ça, mon monologue. C'est bon pour faire ça, pour vrai? Ouais. Ok. Non. Okay, je peux dire aux gens qui peuvent aller voir sur assemblagerequis.com que là-dessus, il y a la balado-diffusion de l'émission à chaque jour. Il y a la liste des pièces diffusées. Il y a des photos et des descriptions de nos chroniqueurs, dont Stéphanie Gagné qui va être avec nous plus tard aujourd'hui. Il y a un lien vers la page Facebook, vers la page Twitter. On est partout sur Internet. Mais là, mon monologue commence à être long, par exemple. Je trouve pas. OK. Je vais te donner n'importe quoi ici. Et puis, tu vas pouvoir le jouer. Puis, pendant ce temps-là, on va aller faire n'importe quoi d'autre. Regardez-moi ça, du Chinatown s'en vient dans quelques secondes à peine. Et plus tard, on va entendre de la très bonne musique de Majub. C'est oui, garanti. Oui, mais surtout, on va aussi entendre, la première partie de la capsule Vidons la don la question. Ça s'en vient dans quelques minutes. Mais pour tout de suite, on écoute Apprendre à danser de Chinatown. Ça a duré 3 minutes, finalement. Mais par contre, le sucre à la crème était excellent. Oui. Vraiment. Vraiment. Prends le deuxième tout de suite. C'est rouge et j'ai le mal de mer. Je cherche mon chapeau sur le plancher de danse. La musique est trop forte, stupide et vindicative. Et je ne comprends pas ce que tu dis. C'est pourquoi je souris pendant que tu gueules dans mes oreilles. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Viens, sortons dehors. Au fait, remémore-moi ce qu'on est venu faire ici. Au

We Are Wolves et Walking Commotion, nouvelle entrée du palmarès anglophone de C'est Fou, palmarès qui sont rediffusés en passant les vendredis soirs entre 17h et 20h, mais sinon c'est en direct les mercredis et jeudis de 13 à 15. Oui, et les palmarès, contrairement à l'émission Assemblage requis, ne contient pas de sucre à la crème. L'émission Assemblage requis est l'émission qui contient le plus de sucre à la crème, je crois. Je sais pas si on pourrait avoir une commandite de sucre à la crème. Ça serait terrible, ça. Assemblage requis est présenté par le sucre à la crème. Point. C'est juste, ouais, juste sucre à la crème. J'aime bien gros salade. Qui aimerait ça aussi du sucre à la crème? J'en suis sûr. Eux qui visitent le bottin local de Saint-Jovite, et je suis sûr qu'à Saint-Jovite, il y a des personnes qui font du sucre à la crème. Qui? C'est le lien, ça. C'est, je sais pas qui, mais... Le 8 août dernier, Luc et Mathieu, de l'émission Vidons-la dans la question, sont allés passer une soirée au chalet familial de la belle famille de Luc. Et il leur est arrivé une aventure qui sort de l'ordinaire. Bon, ben on est rendu, mon Matt. Waouh, c'est beau, ça, ici. Il y a un beau cachet qui a été conservé. Certain. Hein? Beau petit chalet centenaire, toi, qui est construit directement sur la terre battue. Ça, barnouche, le gros luxe. Toi, le plancher qui craque, la vieille lampe, l'ambiance. Mm-hmm. Pis toi, gars, ça, au-dessus du foyer, la belle peinture en velours. Mm-hmm. Et pis toi, les vieux meubles, là, gossés dans le bois avec les tiroirs, là. Mm-hmm. Ouh, que ça sent le renfermer là-dedans. Il plaît, attends un peu. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Bon, on va voir. Et c'est dans le vieux meuble antique que les deux garçons de Vidons-la dans la question découvrirent... Le bottin téléphonique local de Saint-Jovite et ses environs... De quelle année? De l'année 1980! Oh ben, c'est le bottin local de Saint-Jovite et de ses environs... 1980, Saint-Agathe, Saint-Adèle, Saint-Sauveur, Saint-Jovite et ses environs. Wow. Incroyable. Ça vaut de l'or, ça. C'est ça, la page couverture, toi. la main de la madame avec sa manucure qui tient le téléphone. Pour mieux connaître votre environnement. Ça a une valeur archéologique, ce vieux bottin-là. Check ça. À l'endo, il nous explique comment capter Radio-Québec. Ah ouais, avec le vieux logo qu'il y avait avant qu'on écoute Passe-Partout. Il y a comme 5 étapes faciles pour écouter Radio-Québec. C'est quoi qu'il dit? Pour capter Radio-Québec, placez le bouton VHF dans votre téléviseur à la position U, entre le 13 et le 12. Placez votre bouton UHF. Et à ce moment-là, les deux garçons de Vidons-la dans la question eurent une brillante idée. Celle de voyager dans le bottin local de Saint-Jovite et ses environs en utilisant un téléphone comme moyen de transport. Je viens d'avoir une idée. Quoi ça? Est-ce qu'on pourrait utiliser le téléphone comme moyen de transport, se rendre en 1980 dans le bottin local de Saint-Jovite et de ses environs? Tu veux dire genre qu'on composerait le numéro de téléphone, ouais, d'une place en 1980 puis, ouais, on se rendrait directement là-bas? Ouais, ben oui. Un peu là. Sûr, ça peut marcher. Mettons le numéro de téléphone de Gilles Labonté, plombier, etc. Ah, ben oui. Ça, on pourrait aller le voir. Un peu. Aïe, aïe, c'est parti. Hey, on est vraiment en 1980! Ça marchait, on est juste devant la boutique de Gilles Labonté, plombier, dépositaire de pompes. Écoute, ça a marché, man! Hey, on s'en va le voir. On va rentrer. Bonjour, est-ce que je pourrais vous aider? Gilles Labonté! Lui-même, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, monsieur Labonté, on vient du futur, on vient directement de l'année 2007, puis on est arrivé chez vous, là. Vous êtes des petits comiques, hein? Qu'est-ce que vous voulez, là? Non, on vous le jure, on vient du futur, là. Écoutez, monsieur Labonté, on vous le jure qu'on vient de 2007. Qu'est-ce que... M'a dit quoi? Alors, il y a une couple de maisons, avec quoi sont équipés? Monsieur Labonté... Ça devrait vous intéresser, vous qui êtes plombier. En 2007, là, croyez-le ou non, c'est rendu que les maisons sont équipées avec des toilettes sèches. Oui, oh non, des toilettes sèches, là, avec pas d'eau. On vous le jure, ça existe. Non, non, ça se peut pas des toilettes sèches, voyons. La mare d'abeurre à tout le conduit. Non. Une toilette, ça prend de l'eau. Yeah. Mais monsieur la bonté, en 2007, la pensée environnementale a évolué. Ouais, là, sacrez-moi votre camp, là, j'ai d'autres choses à faire. OK. Et le monde, ils nous créeront jamais qu'on vient du futur, man. Bon, on leur parlera plus de toilettes sèches. Je pense pas que c'est une bonne idée. Non, non. T'as pas faim un peu, là? Ouais, hein, le voyage m'a donné faim. Je regarde dans le bottin local, la section restaurant. Chez Karl, le seul restaurant allemand des Laurentides. On s'en va là, toi. OK. Guten Tag, Froden. Bonjour. Salut, bonjour. C'est toi, Karl? Non, c'est moi, Karl. Oui. Ben, on est venu pour manger, là. On va. Prenez une table. Merci. Asseyez-vous. Oui. Avant de vous servir, je voulais faire blague à vous. Ah, OK. Blague québécoise. Oui, oui. Vas-y, vas-y. Comment s'appelle la québécoise la plus sale? Je sais pas. Alva Gingra. Alva Gingra. C'est la joke d'Alva Gingra. Et son mari, Don? Ah, oui, oui. Yolande Gingra. Yolande Gingra. Bon appétit. Merci, Carl. Bon. Multiculturalisme a changé hein, depuis 80. Mais ça, c'était pas grand-chose en 1980, le multiculturalisme. Non, hein? C'était un Allemand. T'as le grand titre, that's it. Nous vous rappelons que les deux garçons de Vidon-Ladon, la question, effectuent présentement un voyage dans... Le potin téléphonique local de Saint-Jovite et ses environs... De quelle année? De l'année 1980! Bon, qu'est-ce qu'on est rendu à visiter dans ce beau bottin local-là? Ben écoute, ici, il y a le chenil Barnac. Arrête. Oui, un chenil qui s'appelle le chenil Barnac. Alors, c'est qui le gars qui pensait appeler son chenil le chenil Barnac? Ben peut-être M. Barnac, je sais pas. Il y a même à la même adresse l'école d'obéissance canine Barnac. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on s'en va là. I'm a Renite. Bon, hey, le chenil Barnac, dis-moi ça, toi, la belle grosse pancarte. Chenil Barnac. Ils ont l'air gros, leur chien, moi. Je me demande quel genre de technique qu'ils prennent pour les faire obéir. Bon, on va checker. Donne la patte, Barnac. Couchez, Barnac, couchez. J'ai dit, donne la patte, Barnac. C'est vrai qu'accompagner un ordre d'un bon gros Barnac, là, ça aide à faire comprendre. Oh, oh. Mais là, juste à côté, Mathieu, il y a l'école d'obéissance canine Barnac. On va aller voir, c'est quoi? On va aller voir, eux autres, la technique. Barnac! Je savais pas qu'on pouvait le faire faire ça. Ouh! Y a-tu du monde qui a besoin d'un chien qui fait ça? Quoi, moi, j'en connais pas. Hey, je pense à ça. Là, on est en 80, mais présentement, le monde nous écoute en 2007. Ouais. Imagine les ex-propriétaires du chenil Barnac qui tombent sur Vidon-Ladon la question. Ils nous entendent en train de parler de leur chenil Barnac. Imagine les ex-propriétaires du chenil Barnac qui tombent sur Vidon-Ladon la question. Barnac! Yolo! Yolo, viens voir! Viens voir, Lolo, il parle de nous autres, on radio, parle du chenil Barnac! T'es pas sérieux? Comment ça se fait? Et pour moi, je suis tombé sur le bouton téléphonique local de Saint-Jovite et ses environs de 1980. On poursuit notre voyage dans le bottin téléphonique local de Saint-Jovite et de ses environs de 1980 par le 425-3367 près du bureau touristique de Saint-Jovite chez Sylvon Tronic. Sylvon Tronic. Parle-moi de ça, un nom qui sonne 1980. Hein? Yes, sir. Salut! Salut, Sylvon! Écoute, on vient du futur! Du futur! Yo, c'est cool, ça! Vous m'avez trouvé ce bottin local? Ben oui! Hey, je te dis cette annonce-là dans le bottin local, c'est un 20 pièces pénévis! Hey, Luc, regarde ça, Joe Dassin, comme il y a la pétasse, c'est le beau 45 tours, toi! Hey, y a encore du monde qui aime ça, Joe Dassin, dans le futur! Ben oui! Hey, moi, Joe Dassin, je l'aime assez! Gâchez en tchot son nouveau jet, ça. Oh! Je veux pas péter ta bulle, Sylvain, là, mais Jodassin, il en sortira pas un autre album, là. Il va mourir en 1980. C'est pas vrai, vous comptez des pipes. Il est mort d'une crise de cœur, c'est ça? Il avancerait pas, il me semble. Puis en plus, t'es mon meilleur vendeur, Jodassin. Tout le monde dans les Laurentides trippe, Jodassin. Ben, écoute, faites-en pas, Sylvain, il va vendre bien plus de disques une fois qu'il va être mort, là. Au moins, il reste John Lennon. Lui, je l'aime, John Lennon. John Lennon va mourir aussi en 1980. Il va mourir assassiné. Mais c'est pas sérieux, les gars. Coalice, la musique va bien mal. Moi, je ne peux rien qu'on Roger Waters, c'était pas de Pink Floyd. Ben, en 83, on peut dire que c'est pas mal ça qui est arrivé. Et puis regarde ce que ça donnait en 1987. Moment Relapse of Reason. Regarde la coupe de cheveux, toi, tu fais la pochette. Chouache! Écoute ça. Chouache. J'ai dit. Ah non, c'est plus ce que c'était. Hey, pis Paul Piché, lui! Qu'est-ce qu'il est devenu dans le futur, Paul Piché? Non, Paul Piché, écoute, il a perdu deux référendums. Un en 1980, un autre en 1995. OK. Ça l'a scrappé. Regarde ça. C'est Paul Piché, ça! Collez ses poches! Oh, tu devrais voir, c'est chaud, là. C'est son fils, là, Léo Piché, là, qui organise là, les chorégraphies. Là. C'est avec des hippies qui font de la danse moderne. Là. Même ma mère qui aimait pas le Piché dans le temps, elle aime plus ça. Elle a venu au propos de la musique. Elle a qui n'a pas de musique? Qui fait en 2007? Ben, je peux te faire entendre le dernier album que j'ai acheté. C'est Infected Mushrooms. Infected Mushrooms. OK, merci, au revoir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est brûlant, c'est pas de la musique! On appelle ça du techno full-on, Sylvain. Si bon, le calme, toi! Si bon, là, moi, je pensais que Raoul Duguay était drogué! Hey, Sylvain Tronic, moi, là, pas sûr, moi, que ton nom, là, Sylvain Tronic, ça soit bien gros approprié pour ta boutique. Ça va mal vieillir. Non, c'est clair, ça va mal vieillir. Oh oui, vous pensez? En tout cas, en 2007, on l'a vérifié, là, puis ça existe plus, Sylvain Tronic. Ouais. Ah. Moi, là, à ta place, je changerais ça pour Future Shop. Il me semble que t'aurais bien plus de chances de poigner. OK. Faut faire ça. Future Shop, ben. Future Shop. Ah, ben. Ben, merci du conseil, les gars. Et c'est ainsi que... Hey, moi, Matt, vu qu'on est dans Laurentide, ça me tente d'aller skier. Oui. Hey, on pourrait s'acheter des vieux soupes de ski démodés, là, de l'époque. À la boutique de sport Jean-Guy Sport, page 70 du bottin local, on s'en va là. Excellent. Pitonne. Let's go, pitonne. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? On voudrait savoir ce que vous avez comme soupe de ski. On a des bottes blanches et oranges. On a des sauts de ski brush. Bon, ben écoute, on va essayer ça, hein? Ben oui. Ah oui, on va mettre les bottes un peu. Ah, ski, les bottes me font souffrir. Hey, le stock était raide dans ces années-là. Kirin, je le fais pas dire. Ah, où c'est qu'on s'en va skier, là, déjà? Là, je prends le bottin local, là. Regarde ça, on a le Mont Belle-Neige ici. Le Mont Belle-Neige, oui. Oui. Et là, regarde ça, ce qu'on a pour notre luxe au Mont Belle-Neige. 4 T-bars, mesdames et messieurs. Pour remonter les pentes, 4 beaux T-bars. On va être à l'aise là-dedans. Vive le Mont Belle-Neige dans les années 80. Ah oui, on part. Hey, il est pas haut le Mont Belle-Neige, hein, quand même. Oh, attention, le T-bar! Et c'est raide, hein? Oui, pelaille. On est-tu rendu fifoune, nous autres, dans le futur, avec nos belles chaises débrayables? Hey, je pense à ça, on est-tu mercredi? Ouais, ouais, je pense, ouais. Parce que le mercredi, c'est le mercredi des dames au Mont-Belle-Neige. Le mercredi des dames commandité par le Chaînon. Ah ouais? Ça veut dire qu'il y a plein de belles madames. Ah, ben là, je suis pas sûr si en 1980, il y avait un mercredi des dames organisé par le Chaînon au Mont-Belle-Neige. Ouais, c'est vrai. Quoi, en 2007. Le Chaînon, c'est pas l'organisme qui vient en aide aux femmes battues, ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ça veut dire, ça veut dire que le mercredi, il y a plein de femmes battues qui vont skier au Mont-Belle-Neige. Ben, peut-être. Je sais pas. Imagine ça, toi. Genre, quelqu'un qui traite ses femmes battues, il vient tout le temps skier le mercredi pis s'en pogner une. Moi, j'ai un truc pour approcher les femmes au Mont-Belle-Neige le mercredi. Fais que tu prêt pour te pogner une plonge? Là, je me choque, je me mets à crier, puis je prends mes skis, puis je les pisse du bout de mes bras dans le bois. Puis là, il s'en trouve toujours une qui me voit, puis qui vient me consoler. puis me pardonner ma colère. Oh, mon belle neige, le mercredi, plus que je tombe, et plus que j'ai de chance de scorer le soir. Ah, c'est le fun skier, mais moi, ce que je préfère d'une bonne journée de ski, là, ouais, c'est l'après-ski. Ah, oh, l'après-ski. Hein? Qu'est-ce que tu dirais, on sort dans une discothèque, on s'en va danser, on va cruiser. Oh, pelaï, yes. Tenez-vous bien, on arrive! Nous vous rappelons que les deux garçons de Vidon Ladon la question effectuent présentement un voyage dans... Le potin téléphonique local de Saint-Jovite et ses environs... De quelle année? De l'année 1980! Il se prépare maintenant à entrer dans une discothèque. Oh mon doux gasol! Ben oui. Les gars ont des moustaches, mais pas nous autres. Mais non, on n'a pas de moustache. On est tout nu du dessous de nez, Matt. Je me sens vraiment tout nu de la face, là. C'est bizarre. Bon, on a-tu des capotes au cas où on se pogne quelqu'un? Ben, on est en 1980, on n'a pas besoin de capotes, je veux dire. C'est vrai. Il parle de se pogner quelqu'un, je suis pas sûr que ça te tente trop, gars. Qui c'est que sa piste de danse? C'est ma mère. Ta mère, Matt. Si je n'y avais pas pensé. Oh, en 1980, on peut revoir nos parents quand ils étaient jeunes. Puis ta mère, elle habitait à Saint-Jovite, hein. Elle se frottait un gros moustachu. Oh, je vais pas voir. Ah. Ton père? Oh non, je pense pas. Non, là. OK, non, là, ça va faire, là. Je trippe pas partout, là. On s'en retourne, on putain dans le téléphone, on s'en retourne au chalet, là. Je débosse, là. Correct, on retourne au chalet. Un peu, là. Pendant ce temps, en 2007, dans le chalet de la belle famille de Luc. Bon, il reste seulement qu'à rentrer la glacière. Tu t'en occupes, Alain? Ouais, je l'ai déjà, ça se peut là. Ah, ça fait du bien d'être de retour au chalet. Ah, ben là, c'est quoi ce bruit-là, là? Le téléphone est-il raccroché? Attends, il est ouvert, je vais aller raccrocher. Ferme le téléphone. Oui. J'ai l'impression qu'ils ont passé, ils n'ont pas raccroché le téléphone. Non, téléphone, ça marche pas. Je te dis, ça marche pas, mais... Maudit! Qu'est-ce qu'on va faire? Lors de s'intembarquer dans cette affaire de voyage-là. Mais que vont donc-ils faire? Bon, je croyais bien, Matt, qu'on est pogné là, ici. On est pogné pour danser, je sais pas. Ben, tu fais d'avoir du fun, hein, tant qu'être pogné ici. Ben, fais attention, il faudrait pas que tu viennes trop sous pis tu pognes ta propre mère. C'est peut-être toi qui vas finir par se la pogner, attention. Ben, t'es assez hot, ta mère, là, check là, elle est quand même bien roulée, là, faut lui donner ça. Dès que tu penses, je retiens mes belles fesses. Ah ouais, va danser avec ta mère, là, je te gâche, je te dis pas game. Je vais pas aller danser avec ma mère. Ben, je fais une petite danse, y'a rien là, là, tu sais. Ça va être drôle, là. Dans le fond, elle peut pas vraiment me reconnaître. Elle va te trouver cute, je suis sûr. En plus, c'est ça, je dois être son genre. Bon, ben, écoute, on s'en va chercher des drinks, pis let's go. Bien yes, sûr, on va aller danser avec ma mère. J'aurais aimé ça que ma mère soit là aussi, mais là. Et si Mathieu venait qu'à se pogner sa propre mère, comment cela se traduirait-il en 2007? Deviendrait-il son propre père? Et si c'était Luc qui couchait avec la mère de Mathieu, pourrait-il devenir le père de Mathieu? Et si Mathieu et Luc faisaient un trip à trois avec la mère de Mathieu, Mathieu et Luc ne sauraient plus lequel d'entre eux serait le père de Mathieu. Coucheront-ils avec la mère de Mathieu? Oh, Kiwan! Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un genre de remake de Rétro vers le futur. Rétro vers le futur? Rétro vers le futur, ouais. Je connais pas. Non? Non, je connais pas ça. Alors voilà. Ben d'accord. On va saluer ça d'abord. Voilà, donc c'était une capsule de Vidon Ladon en question, le bottin téléphonique local de Saint-Jovite et ses environs. De quelle année? De 1980. Bien sûr, diffusion originale 9 octobre 2007. Allez voir vidonladon.com pour plus d'informations sur ce duo humoristique qu'on adore et qu'on diffuse à chaque semaine ici à Assemblage Requis. Et oui, on l'a écouté tout au complet. Ben oui, c'était pas supposé, mais c'est ça qu'on a fait. C'est comme une surprise, c'est un cadeau, toute la capsule au complet. C'était cool, c'était cool. C'était long, oui. C'était cool. C'était long, mais c'était très bon. C'était bon. Un peu comme avec la mère de choses puis choses. Oh, ben, on sait pas si ça va être long. Et bon. On saura pas. Peut-être qu'il va falloir regarder Rétro vers le futur. Rétro vers le futur, ouais. Ouais. Très bon. Ça. Ouais. Et on va aller en musique tout de suite avec, avec Owen Pallett qui a sorti son nouvel album cette semaine. Mm-hmm. Maxime est venu nous en parler lundi. On va écouter l'extrait de ce nouvel album qui s'appelle Keep the Dog Quiet. Est-ce tout de suite. Tu penses que ça a rapport avec le chenil? Le chenil Barnac. Barnac! Barnac! Ben, si tu veux, ça a un nom lien. Du propriétaire ou du propriétaire? Pour garder le chien tranquille, tu pourras toujours essayer de le sommer d'un barnac que peut-être que ça va marcher. D'ailleurs! On écoute Keep the Dog Quiet. Barnac. Tout de suite, de Owen Pallett à Assemblage Requis. Barnac. Union is a cage, about a cage, about a cage. And this town too. I'll see you once in a while, but I can't be seen with you. This place is a narrative mess. The floor a tangle of bed sheets and buttocks and dress. The ink has dried in the well. The journey once was consequential. No sequential. Sequential. Parlette et Keep the Dog Quiet à Assemblage Requis. Nous, c'est la fin de la première heure. On se retrouve pour une deuxième tantôt avec la présence de notre nouvelle chroniqueuse Stéphanie Gagné qui nous offre ses coups de cœur artistiques dans sa chronique Ton plat favori. Oui, il va aussi avoir la chronique CNX, la dernière de la semaine, après la pause, dans quelques minutes. Restez avec nous, c'est Assemblage Requis. Oh. The enemy is now in sight above the palace. Bon, on se la deuxième heure d'assemblage requis, Kiwan. Oui, Mathieu. Ben oui, vous à la maison, dans la voiture où vous soyez, merci d'être avec nous pour cette dernière émission de la semaine. Hein? Le contenu est pas mal dans la deuxième heure, en fait. Bon, on a eu du contenu dans la première heure, il y a eu plutôt là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça veut dire du contenu en direct avec des chroniqueurs. C'est ça la force de l'émission, c'est des chroniqueurs, parce que sans eux, il n'y aurait pas de morceaux pour compléter le casse-tête qu'est Assemblage requis. Hein? C'est bon, c'est beau. C'est bien repris. Merci. Donc effectivement, Stéphanie Gagné avec sa chronique, ton plat favori dans la deuxième heure. Mais pour l'instant, on va écouter un peu de musique. On va écouter un extrait du palmarès anglo, c'est bien ça? C'est tout nouveau, oui. C'est de Dojo Workhorse. Ouais. Voici You Heartbreaker. J'arrête pas de te piler dessus. Hein? Non, vas-y. Ça me fait plaisir. Oh! Ooh. Ooh. Oh, sexy, can't stop it. It's so good. So good, can't stop. So come on in, you heartbreaker, you. I've never told you never yet. Your kiss is cold, but in this city, you take whatever love you can give. Oh, now come on in, you love faker, you. We've always played such nice pretend. Nobody cried, and nobody cared her, except maybe me and possibly her. So pass one over. I grow sober. This it isn't much. Don't we wish it was, we wish it was. Hold me closer, I'll get over it. It isn't real, it's got a similar feel. Where I'm from, we all know. Everybody hurts. Everybody's wounds gonna get the salt. But it isn't anybody's fault. Is it anybody's fault? No, it isn't anybody's fault. Is it anybody's fault? No, it isn't anybody's fault. Is it anybody's fault? Where I'm from, we all know. Everybody's wounds gonna get the salt. It's never anybody's fault. Is it anybody's fault? No, it isn't anybody's fault. But it must be someone's fault. No, it isn't anybody's fault. Much, but don't we wish it was? We wish it was. Hold me closer. I'll get over it. It isn't real, but it's got a similar feel. Je l'avais dit que c'était bon, The Dojo Workhorse. Hein? C'est très sexy. Vraiment. Hein? Mm-hmm. Ooh yeah. Bon, chica, pow, wow. Pow. Non? Oui, tout à fait. Bon, chica, pow, wow. Pow. À part faire la musique, à part écouter des films porno, ouais. Mathieu, fais-tu d'autres choses des fois dans la vie? Ben, je vais sur Internet, Kiwan. Justement, en parlant d'aller sur Internet... C'est le moment d'aller entendre ta dernière chronique CNX de la semaine. CNX, la chronique de la bibliothèque de la radio.

C'est là, je vais te laisser choisir. Hein. T'as le choix entre réduire l'impact écologique des télécommunications, les ondes des cellulaires protégeraient la mémoire, ou encore béni soient les cellulaires. Le premier, la nouvelle écologique. D'accord. Les opérateurs AT&T, China Mobile, Portugal Telecom, Swisscom, Telefonica ont lancé en partenariat avec des laboratoires et instituts de recherche une initiative baptisée Green Touch visant à réduire l'impact écologique des télécommunications. Ce consortium est dirigé par les Bell Labs, unité de recherche de l'équipementier franco-américain Alcatel-Lucent. Son objectif est de créer des technologies nécessaires pour rendre les réseaux de communication 1000 fois plus efficaces énergiquement qu'ils le sont aujourd'hui. Si ce but est atteint, la quantité d'énergie aujourd'hui nécessaire pour utiliser tous les réseaux, y compris l'Internet, pendant une seule journée, permettra de faire fonctionner ces mêmes réseaux pendant 3 ans. Parmi les laboratoires et instituts de recherche impliqués dans le projet se trouvent notamment le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, en France, ou encore le laboratoire de recherche Freescale Semiconductor. La première réunion du consortium aura lieu en février et sera consacrée à la définition d'un programme sur 5 ans. Bonne nouvelle. On aime ça. Voilà, c'était le fil dans le bloc CNX. Ben merci Mathieu. Ça me fait plaisir. Donc c'était la conclusion des capsules CNX pour cette semaine. On va retrouver ça, les 3 capsules de cette semaine, on les retrouve lundi prochain à 10h dans ton émission CNX.zip. Oui, soyez-y. Et puis les chroniques en tant que telles sont 3 fois par semaine, comme tu disais, dans l'assemblage requis. Exactement. On peut le retrouver aussi sur l'assemblagerequis.com. Oui, évidemment. Écoutez en direct sur cifu.ca, allez sur Google, tapez cnx.zip ou chronique cnx dans l'assemblage requis, ou allez sur la demande sur à gauche, puis tu prends aussi, tu vas dans un restaurant, mettons, qui a une affaire de Wi-Fi. Est-ce que tu penses que je m'éloigne du sujet? Tellement t'es rendu, ouais, tu t'éloignes à la fois du sujet, du micro et de la pertinence. Donc, on va aller tout de suite en musique pour remédier à tout ça en même temps. On va écouter un extrait du nouvel album de Woodhands. L'album s'appelle Remorsecapade. Ouais. Et la pièce s'appelle Pockets. On l'écoute tout de suite à Assemblage Requis. Et peut-être qu'un jour, ce sera dans le panarès. Finalement, c'est le panarès. C'est tout ça. Puis là, tu dis, ouais, la musique est donc bien bonne. Mais il y a des affaires que tu dis que ça devrait peut-être être dans le panarès. Mais finalement, là, ça ne l'est pas. Je vais voir combien de temps tu pouvais tourner en rond sur ta chaise en parlant. Ah, je devrais par exemple, si je faisais un tour comme ça, et comme ça. Jusqu'à 7 heures. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Thank you.

Non, à partir de maintenant, okay. Il est trop tard, là. Il est sur Facebook. Ben oui, mais Facebook, c'est quoi ça sinon que mot qui s'envole? C'est la vie maintenant, Facebook. Et Facebook, c'est la vie. Oui, quasiment. Et la vie, c'est Facebook, c'est ça. Quasiment. Alors voilà. En fait, pas quasiment. C'est ma vie. Il n'y a pas tout le monde qui a une vie aussi plate que toi, Mathieu. Merci, merci. De rien. C'était dans les dents, ça. C'était... Bon, merci. Donc voilà, c'était... Donc c'était la dernière chronique de ton plat favori par Stéphanie Gagné, merci. Ouais, tu vas t'ennuyer de moi cette semaine, vraiment. Tu vas avoir hâte à jeudi prochain. Non, je viens de dire que c'est la dernière chronique. Tu as fait toute l'illusion là, que c'était la dernière chronique. Mais non, moi je suis pas d'accord. C'est la première. Moi je me mets du côté à Kiwan, il est pas d'accord, il veut que je revienne. Bon, c'est une bonne chose que tu n'as de mon côté, sinon ouais, ça... Mais bon, pour en revenir à la trame sonore dont on a entendu deux extraits, j'imagine que tu vas continuer de l'exploiter un peu dans ton émission. Oui, dans mon émission, il y a trois chansons de la trame sonore, quand même. Une chanson de The Smiths, une reprise de The Smiths par She and Him, le groupe de Zooey Deschanel, et Temper Trap. Et sinon, quoi d'autre dans cette émission de La Paix Bêche en mission qui s'en vient bientôt? Hein? C'est dans quelques minutes à peine, ça commence. Il y a Franz Ferdinand, Block Party, Phoenix, Chinatown, Dumas, etc. Parfait, donc on va écouter ça. Oui, c'est juste après notre émission à 17h et c'est aussi en rediffusion les mardis à 13h. Une Paix Bêche en mission. Mais vous le dites pas comme ça, je pense, hein, madame? Oui, une pain bêche en mission. Je sais, j'ai dit vous. Tu dis pas comme ça. Oui, c'est une pain bêche en mission. Une pain bêche en mission. Non, pas ça je comme dis ça. Pas comme ça, non. Bon. Incapable. D'accord, je vais te tutoyer, maître. Merci. OK, on va aller écouter Bateau Noir, tiens. Oui. Merci en passant. Merci, on te retrouve jeudi prochain là, pour ta prochaine chronique. Est-ce que tu sais déjà de quoi tu nous parles? Quel sera ton plan favori? Non, ça va être une surprise. Ben là, j'écoute Notting Hill, j'écoute Eternal Sunshine of the Spotless Mind. T'es rétro quand même. Pas mal. Fait que je vais peut-être parler de ça la semaine prochaine. On pourrait dire, ça dépend de ton appétit. Voilà. Parce qu'on va faire plein de jeux de mots avec ton plat favori maintenant que c'est ça la chronique. C'est clair. Donc, nous, on se laisse... On revient dans quelques minutes. On va aller écouter une pièce de Bateau Noir tout de suite. Ça s'appelle Parade. Ça ressemble beaucoup à du polype, tu vois, Mathieu. Ah, ben, j'aimais ça. Donc, on écoute la pièce Parade de Bateau Noir tout de suite à Assemblage requis. Ça va goûter bon. Ça va goûter bon, hein? On va couper son montant. Pas super le son, hein? Pas super, hein? Je sais pas. Pour ceux qui sont encore à l'écoute, là, c'est pas super. Vous pourriez penser que c'est un problème technique, mais non, c'est vraiment l'enregistrement qui est comme ça, on l'entend juste pas. Ben, ça s'appelle du low-fi, je pense. C'est le style musical low, extremely low underground-fi. C'est très branché, c'est très 2010. Sur le plateau, là. Ouais. C'est la nouvelle tendance en 2010. C'est écouter sa musique très basse comme ça, low-fi, qualité la plus minimale possible. Sur un vieux radio dans la douche, genre. Ça. Ah oui, tout à fait. La qualité est vraiment. C'est vraiment écœurant. Bon, donc, c'était Bateau Noir avec ce qui ressemble un peu à Parade. Peut-être qu'on la réentendra d'une meilleure qualité un jour, mais pour l'instant, nous, c'est la fin d'Assemblage requis et même, non seulement de l'émission, mais de la semaine, parce qu'on termine le jeudi ici à Assemblage requis. On fait pas de vendredi, disons. Trop bon pour ça. Donc, soyez à l'écoute pour la paix bêche en mission, une paix bêche en mission à partir de 17h. Puis ce sera La Spirale à 18h avec Mathieu Leblanc-Houle. Il y aura Skypunka plus tard en soirée avec un petit peu de punk rock. Soyez là demain à 6h30 si vous avez raté une des chroniques de l'émission Assemblage requis et de la pilule du lendemain et du dîner de con. Ça commence à 6h30 demain. Puis il y aura Rock Classique à midi. Votre journée va être très très belle demain sans nous, j'espère. Hein? Ben, pas tout à fait sans nous. Étant donné qu'elle est meilleure maintenant, ouais, ben, quand même. Et les pavards assez fous à 17h demain, donc c'est rempli de nous. Il y a juste toi demain, finalement. Ouais. Bon, bref, soyez-y. Nous, on se retrouve lundi à 15h pour une toute nouvelle édition d'Assemblage Requis. Il va y avoir Maxime Lemularamé lundi. Lundi, oui, tout à fait. Et aussi Martin Bertrand. Et vous, j'espère. Vous. On se quitte sur l'Info Campus, puis une plus belle ambition, puis passe une belle soirée. Parfait. Et puis, étant donné qu'il reste un petit peu de temps, si je peux faire une petite suggestion sortie pour ce soir. J'en ai pas parlé aujourd'hui, j'en ai parlé tous les autres jours de la semaine, mais c'est une nouveauté de l'ONF à la Maison de la Culture. Ce soir, on parle de politique. C'est un documentaire qui suit deux candidats dans une campagne électorale, dans leur quotidien. Donc, c'est ce soir à l'ONF, à la Maison de la Culture. C'est à 7h30 et c'est gratuit. C'est un rendez-vous! Et là, on se laisse pour de vrai. Bonne fin de semaine.